الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين طيب أما بعد on va essayer de se dépêcher pour finir inshallah le reste de hadith qui nous reste بسم الله تفضل الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعنها عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه متفق عليه. Aïcha radiallahu anha rapporte également, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait accomplir une retraite spirituelle, il accomplissait la prière de l'Fajr, puis entrait dans son lieu de retraite spirituelle. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Donc, la retraite spirituelle, c'est les 10 derniers jours, 10 dernières nuits de Ramadan, 10 derniers jours de Ramadan. Et la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, c'est qu'il entrait dans son lieu de i'tikaf, qu'il rentrait dans son lieu d'i'tikaf après la prière de l'Fajr de la 21e nuit. Et il fait on avait dit tout à l'heure qu'il était permis à la personne de délimiter un endroit précis pour faire la retraite spirituelle et si ça ne gêne pas, bien sûr, de dresser une tente comme le prophète alayhi salatu wassalam l'a fait lui-même et a demandé qu'on lui dresse une tente. وعنها رضي الله عنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل علي رأسا وهو في المسجد فأرجله وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا متفق عليه واللفظ للبخاري. Là, on va parler du fait qu'il faut rester à la mosquée pendant l'i'tikaf et ne pas en sortir sauf pour un besoin. Donc, Aïcha radiallahu anha dit que a rapporté que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, elle a dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam me tendait sa tête alors qu'il se trouvait dans la mosquée afin que je le peigne lorsqu'il était en retraite spirituelle. Il ne rentrait à la maison qu'en cas de besoin. Donc on voit que le fait de sortir du lieu de l'i'tikaf qui est la mosquée annule l'i'tikaf si ce n'est pas pour une raison valable ou pour un besoin. Et ici, Aïcha radiallahu anha rapporte qu'il ne sortait et qu'il n'entrait à la maison que s'il avait un besoin, c'est-à-dire s'il avait besoin de faire de se laver ou d'accomplir ses ablutions ou autres, si ces choses-là ne sont pas présentes dans la mosquée, ou de s'il n'a pas de quoi manger à la mosquée, ou personne ne lui apporte de quoi manger à la mosquée, il peut sortir chercher ce dont il a besoin pour manger et entrer directement. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne sortait pas lui-même de la mosquée pour se peigner. Mais il ne faisait que sortir sa tête. On sait très bien que la maison de Aïcha était accolée à la mosquée. Et il ne faisait donc que sortir sa tête. Et cela prouve aussi que le fait de sortir une partie du corps n'est pas considéré comme sortir complètement. Et on en tire beaucoup de règles dans cela. Ces règles, que ce soit pour l'entrée ou la sortie dans un endroit, et si une femme elle a besoin aussi d'entrer une partie de son corps dans la mosquée ou sa main alors qu'elle est en état de menstrue, alors on considérera qu'une partie du corps n'est pas considérée comme tout le corps entier. De même que on voit dans ce hadith que toucher une femme, sa femme, sans désir n'invalide pas la retraite spirituelle. Et que la femme indisposée, elle peut toucher une personne qui pratique une retraite spirituelle et cela ne gêne en rien. Car elle était, radiallahu anha, ainsi. De même que son corps, sa transpiration, sa sueur, sa salive de la femme qui a ses menstrues n'est pas impure. Il est venu dans un hadith sahih que le prophète sallallahu alayhi wa sallam buvait à l'endroit où Aïcha buvait alors qu'elle était en état de menstrues. Ce qui prouve que sa salive n'est pas impure. Contrairement à la religion des juifs qui pour eux, une femme en état de menstrues, elle est impure, il l'éloigne, presque il faut qu'elle n'existe pas. Non. Alors que dans l'islam, il y a juste certaines choses qui sont interdites à faire, sinon elle reste sa salive, sa sueur, qu'elle touche une personne, etc. Ça reste pur. Non. Et on voit aussi dans ce hadith que le fait de se peigner, de se laver les cheveux, de se laver le corps, de changer ses vêtements, de laver ses vêtements, tout ceci n'est pas contradictoire avec l'i'tikaf, avec la retraite pieuse et spirituelle. وعنها رضي الله عنها قالت السنة على المعتكف أن لا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد له منه ولا اعتكاف إلا بصوم ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع رواه أبو داود ولا بأس برجاله إلا أن الراجح وقف آخره. Aïcha radiallahu anha dit également « La sunna pour celui qui accomplit une retraite spirituelle consiste à ne pas rendre visite aux malades, ne pas participer à un enterrement, ne toucher et ne caresser aucune femme, ne sortir pour un besoin qu'en cas de stricte nécessité. Il n'y a pas de retraite spirituelle sans jeûne et il n'y a de retraite spirituelle que dans une mosquée où les gens se rassemblent pour la prière du Jumu'ah. » En vérité, ce hadith, le début du hadith est une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou bien il a le hukm du raf'a, hukm al-raf'i, car elle a dit la sunna est, c'est-à-dire que c'est la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais les savants disent que la fin, quand elle parle du jeûne et de masjid al-jami', c'est la parole de Aïcha, et ce n'est pas, laysa lahu hukm al-raf'a, huwa mawqufun ala Aïcha. C'est la parole de Aïcha radiallahu anha. Lis le prochain hadith, inshallah. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه رواه الدارقطني والحاكم والراجح وقفه أيضا. Ibn Abbas رضي الله عنهما rapporte que le prophète صلى الله عليه وسلم a dit celui qui est en retraite spirituelle n'est pas tenu de jeûner sauf s'il il se l'impose à lui-même. Cette parole n'est pas une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sahih, c'est que c'est une parole de Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhu wa an abi. On voit dans ces deux hadiths que donc l'essence de la retraite spirituelle consiste à couper tout lien avec les créatures et à se consacrer à la conversation avec le Créateur subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi il faut rester dans son lieu de retraite et n'en sortir que pour un strict besoin, pour manger, boire, se purifier et ce qui est semblable. Et si on sort pour une raison non valable, alors la retraite spirituelle est invalidée. On voit aussi que celui qui a accompli une retraite spirituelle ne doit ni rendre visite aux malades, ni participer à un enterrement, ni visiter un proche, ni sortir pour un acte d'adoration autre que ce qui se fait dans la mosquée, qui ne lui est pas spécifiquement demandé. Sauf bien sûr s'il est dans une mosquée qui ne font que les 5 prières, et il sort pour faire le Jumu'ah par exemple. Là, il devra sortir obligatoirement. Et ce, à l'unanimité des savants. De même que il est préférable de faire la retraite spirituelle dans une mosquée où on fait le Jumu'ah. Car, ça l'évitera de sortir s'il sort pour le Jumu'ah. Mais ce n'est pas une condition. La condition et l'obligation, c'est de faire l'i'tikaf dans un masjid où on fait les 5 prières. Non. Car les savants considèrent que si une personne sort juste pour le Jumu'ah et revient, il n'a pas annulé son i'tikaf pour ça. Par contre, sortir 5 fois par jour pour aller faire salat et revenir, donc il n'y a aucun sens en cela. faire l'i'tikaf dans une mosquée qui fait les 5 prières en groupe. Aussi, il faut savoir que le Malikiya, ils disent que c'est une condition de validité de jeûner pour que l'i'tikaf soit valable. Et en vérité, la majorité des savants considèrent que ce n'est pas une condition, mais c'est préférable. Et comme on a vu, c'est la fatwa de Abdullah ibn Abbas, que le jeûne n'est imposé que si la personne se l'impose à lui-même. Non. Bien sûr, c'est une sunna à celui qui fait l'i'tikaf de jeûner. Car on a vu dans le hadith de Aïcha radhiyallahu anha qui a dit la sunna pour celui qui accomplit une retraite spirituelle consiste à jeûner. Donc, c'est préférable et non obligatoire et cela n'a jamais été rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait un i'tikaf sans jeûner. Sauf que ce n'est pas une obligation formelle mais une recommandation. Non. Donc bien sûr, ce qui est recommandé pour une personne qui est en retraite spirituelle, c'est d'adorer Allah, d'invoquer Allah, de faire des prières surrogatoires, de lire le Coran, de lire les livres de science, de hadith, et de ne pas s'en consacrer à d'autres adorations qui sont loin et en dehors de ce qui est voulu dans cet isolement et dans le fait qu'il se consacre un moment pour l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. De même qu'il ne perd pas son temps à parler de ce qui ne le regarde pas, à suivre ce qui ne le regarde pas. Déjà en temps normal, il ne doit pas perdre de temps là-dedans, alors en i'tikaf encore plus. Et concernant le fait de faire l'i'tikaf, autre que pendant le mois de Ramadan, ceci est, comme on l'a dit précédemment, est permis même en dehors de Ramadan. Et par contre, certains savants disent que même quand tu rentres à la mosquée pour le Maghrib ou pour l'Isha ou pour une salat, tu mets l'intention de l'i'tikaf. Mais en vérité, cette parole n'a pas de fondement solide. Car si c'était une bonne chose, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'aurait indiqué à ses compagnons et il l'aurait fait lui-même ou il l'aurait dit à sa communauté. Donc, on dira que la personne ne met pas l'intention de l'i'tikaf, de la retraite pieuse, s'il vient juste pour prier en groupe dans une mosquée et repartir. Mais il met cette intention s'il a l'intention réellement de rester dans la mosquée pour l'objectif de l'i'tikaf et de s'adonner à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puis les savants ont divergé sur le temps minimum d'un i'tikaf. Certains ont dit que le minimum est une nuit. Et d'autres n'ont pas donné de temps minimum. Quelqu'un peut se dire je fais l'i'tikaf pour, par exemple, toute la matinée ou l'après-midi. Wallahu a'lam. Mais ce qui a été rapporté, c'est que Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu a dit j'avais fait le vœu dans l'époque pré-anti-islamique de faire l'i'tikaf à la mosquée sacrée une nuit. Alors Allah Ta'ala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit alors mets en pratique le vœu pieux que tu avais fait. Donc ce qui est connu de la pratique des sahaba et du prophète sallallahu alayhi wa sallam et dans les paroles de la sunna, c'est ça le minimum qui a été rapporté. La nuit quand Omar ibn Khattab avait fait le vœu de faire. D'où les savants qui ont dit le minimum c'est une nuit. Ils se sont basés sur ce qui existe. La prochaine, inshallah. أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر متفق عليه. Continue. وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ليلة القدر ليلة 27 رواه أبو داود والراجح وقفه وقد اختلف في تعيينها على 40 قولا أوردتها في فتح الباري. Donc maintenant nous allons parler de quand est-ce que Laylatul Qadr, la nuit de la valeur. Le premier hadith de Abdullah ibn Omar radiyallahu anhuma rapporte on fit voir à certains compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam la nuit de l'Qadr en rêve dans les 7 dernières nuits du mois de Ramadan. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit: je vois que vos visions concordent sur les 7 dernières nuits, que celui qui la recherche le fasse donc durant les 7 dernières nuits. Il est rapporté par le Bukhari Muslim. Puis Muawiyah ibn Abi Sufyan radiyallahu anhuma rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à propos de la nuit de l'Qadr: il s'agit de la 27e nuit. Ce hadith, en vérité, c'est une parole de Muawiyah radiyallahu anhu. Il a été rapporté aussi de Ubay ibn Ka'b radiyallahu anhu. Il a dit: je jure par Allah que je sais quelle nuit est cette nuit-là. On lui dit laquelle? Il a dit la 27e nuit. De même que Abu Sa'id al-Khudri dans le hadith de Sahih Muslim, il a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: je me prosternerai le matin de Laylat al-Qadri, le matin de la prière du matin de Laylat al-Qadri, dans la terre et la boue. Il a dit: j'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam se retourner de la prière après la salat du 21e jour de Ramadan, et sur son front il y avait et son nez il y avait de la terre et de la boue. Il a dit donc c'est la 21e nuit. Il est rapporté dans un hadith sahih où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé des différents livres révélés, qu'ils ont été révélés tous pendant Ramadan, et il a cité les nuits qu'ils ont été révélées, et il a dit: et le Coran fut descendu la 25e nuit de Ramadan. C'est un hadith sahih. Aussi, il est rapporté dans un autre hadith sahih que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que le Laylat al-Qadri est une nuit avant la fin du Ramadan, c'est-à-dire la 29e nuit. Donc on voit qu'il y a plusieurs hadiths authentiques qui divergent sur la désignation de la nuit, de quelle nuit est exactement Laylat al-Qadr. Et d'ailleurs, l'imam Ibn Hajar rahimahullah a dit qu'il y a 40 avis différents qu'il a cités dans Fath al-Bari. 40 avis différents sur cette question. Certains vont se dire, dans 10 nuits, comment il peut y avoir 40 avis? Si vous allez lire, vous allez comprendre. Naam. Tayyib. Alors on dira, Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. D'abord, on va expliquer d'abord ce que c'est Laylat al-Qadr avant de rentrer dans ce sujet. Il faut savoir qu'il y a deux prononciations pour Laylatul Qadr. On dit Laylatul Qadr avec un fath sur le dal, et Laylatul Qadri avec un sukun sur le dal. Laylatul Qadri ou bien Laylatul Qadri. J'ai fait exprès de pas faire le qalqala pour qu'on comprenne qu'il n'y a rien sur le dal. Laylatul Qadri, ça veut dire la nuit du destin et du décret. Et Laylatul Qadri, ça veut dire la nuit de la valeur, honorable. Et en vérité, cette nuit-là, elle a toutes ses significations. Pourquoi? Car premièrement, elle a beaucoup de valeur. Elle a plus de valeur que 1000 mois. Donc c'est la nuit de la valeur. Elle a une grande valeur, elle est très honorable. Et les adorations dans cette nuit-là ont une grande valeur. Mais elle est aussi Laylatul Qadri. Car Allah Ta'ala a dit en parlant de cette nuit, fiha yufraqu kullu amrin hakim. C'est dans cette nuit-là que chaque affaire sage est déterminée et décrétée. Donc c'est la nuit de la destinée et c'est la nuit de la valeur. Non. Cette nuit-là, elle comporte plusieurs caractéristiques, comme on a dit. Allah Ta'ala y fait descendre les anges du ciel vers la terre. Ainsi, ils descendent avec le bien, la bénédiction, la miséricorde et la paix, avec à leur tête l'esprit fidèle Jibril alayhi salam. C'est en cette nuit noble que débuta la révélation du Coran et qui est le plus grand don et la plus grande miséricorde pour les musulmans. D'ailleurs, Allah tabaraka wa ta'ala l'a dit clairement, inna anzalnahu fi laylatil qadr. Nous avons révélé le Coran. Nous avons descendu le Coran à Laylatul Qadr. Donc, on a vu l'autre hadith qui parle de quand est-ce que le Coran fut descendu, à 25e nuit de Ramadan. De même, en cette nuit, se manifestent paix du début de cette nuit bénie jusqu'à l'aube. Comme Allah tabaraka wa ta'ala dit, elle est paix et salut jusqu'à l'apparition de l'aube. On y décrète les choses à venir dans l'année, comme on a dit, fiha yufraqu kullu amrin hakim. De même que la valeur de l'adoration dans cette nuit, et que celui qui prie Laylatul Qadr avec foi et conviction et espoir de la récompense auprès d'Allah, se verra ses péchés passés pardonnés. Une fois qu'on a su cela, alors, quand est-ce que Laylatul Qadr? Il faut savoir que, comme l'imam Ibn Hajar l'a cité, il y a 40 avis différents sur cela. Il y en a même qui disent que Laylatul Qadr n'existe plus. Elle a été levée. Car il y a des hadiths sahiha qui montrent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam Allah Ta'ala avait désigné quand est-ce qu'était Laylatul Qadr. Et il a trouvé certains de ses compagnons se disputer. Il l'a oublié. Il a dit, on me l'a fait oublier. On me l'a élevé. Et il a dit, cherchez-la les 10 dernières nuits de Ramadan. Puis dans ce hadith, je vois que vos rêves se sont réunis que c'est sur les 7 dernières nuits de Ramadan. Alors cherchez-la les 7 dernières nuits de Ramadan. Taïb, comment on peut comprendre tous ces hadiths qui désignent des jours différents, qui parfois disent les 7 dernières nuits, d'autres ils disent les 10 dernières nuits, d'autres ils disent les nuits impaires, les 10 dernières nuits impaires. Alors on comprendra, Wallahu A'lam, ce qui est sûr et certain, c'est que Laylatul Qadr est dans les 10 dernières nuits et dans les nuits impaires des 10 dernières nuits de Ramadan. Mais en réalité, quand les sahaba ont dit, moi je jure que c'est le 27e nuit, et que certains disent que c'était la 27e, certains ont dit, on a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam prosterner cette nuit-là dans la boue et la terre, et il a dit, je me prosternerai ce matin-là dans la boue et la terre, c'était la 21e nuit. Ça veut dire par là que la nuit de l'Qadr, d'année en année, elle peut être des nuits différentes. Et quand ils ont juré, c'est la 27e nuit, c'est l'année où il l'a vu lui, comme Ubay ibn Ka'b. Mais on dira, wallahu a'lam, qu'on l'espère le plus, et la plupart des paroles des sahaba qui ont été le plus transmises et le plus de témoignages des sahaba, c'est que c'est la 27e nuit. Donc, nous disons, inshallah, qu'elle est une des nuits parmi les 10 dernières nuits impaires, et qu'il est beaucoup plus probable que ce soit la 27e plutôt que les autres, mais que ce n'est pas une certitude. Elle peut être la 21e comme c'est arrivé au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme elle peut être la 25e comme au moment où le Coran a été descendu des tables gardées au ciel de ce monde, ou bien n'importe quelle parmi les nuits impaires des dernières nuits. C'est pour cela que le musulman, c'est une sagesse. Comme ça, le musulman ne fait pas l'effort juste une nuit, mais les 10 dernières nuits, il cherche et il va en cela, alhamdulillah, accumuler beaucoup de hasanat et se faire pardonner beaucoup de péchés. Donc c'est une sagesse d'Allah qu'il ait caché cette nuit-là aux musulmans pour que leur effort soit de plus en plus, qu'ils fassent de plus en plus d'efforts pour cela. Naam. Faddal. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة القدر ما أقول فيها قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني رواه الخمسة غير أبي داود وصححه الترمذي والحاكم. L'invocation à dire la nuit du Qadr. Aïcha radiallahu anha rapporte, j'ai demandé au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, ô messager d'Allah, si je parviens à savoir quelle est la nuit du Qadr, que dois-je y dire? Il répondit, dis, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ô Allah, tu es pardonneur, tu aimes le pardon, alors pardonne-moi. On voit ici que Aïcha radiallahu anha et les sahaba en général cherchaient ce qu'il y a de meilleur. Et ils demandaient comment adorer Allah de la meilleure des manières. Et ils ne posaient pas des questions pour connaître les limites des choses, mais ils cherchaient des questions pour chercher le meilleur et les plus hauts degrés. Pas comme aujourd'hui, les gens ils viennent demander les limites. C'est quoi le halal, le haram? Mais t'es sûr, c'est pas juste détestable. Pourquoi ils cherchent à rester dans les limites? Alors que sahaba, les questions qu'ils posaient n'étaient pas les mêmes. Quelle est la meilleure dua? Quel est le meilleur acte chez Allah? Quelle chose je fais pour gagner le paradis? Est-ce qu'on entend aujourd'hui des gens poser ce genre de questions? Jamais, rarement. Les questions aujourd'hui, est-ce que c'est sûr que c'est haram? Est-ce qu'il n'y a pas divergence? Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui pourrait me permettre de faire telle chose? Donc ça montre notre souci et le souci des sahaba. Comment il est différent? Donc Aïcha, la mère des croyants, radiallahu anha, voilà sa question. Si j'arrive à trouver Laylat al-Qadr, qu'est-ce que je dis cette nuit-là? Donc, elle apprend, elle a cette envie de connaître la science, et par sa cause, maintenant, on sait tous ce qu'il faut dire cette nuit-là. Allah Ta'ala, il l'a utilisé comme cause pour qu'on sache cela. Alhamdulillah. Donc, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui a indiqué la meilleure dua à demander cette nuit-là, c'est de demander le pardon d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, tu es le pardonneur, tu aimes le pardon, alors pardonne-moi. Car effectivement, nous sommes tous pécheurs, nous avons tous des manquements, et personne ne peut espérer entrer au paradis sans le pardon et la miséricorde d'Allah. S'il n'y avait pas le pardon et la miséricorde d'Allah, personne ne mériterait par ses actes le paradis. Même pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme lui-même l'a dit. Qu'est-ce qu'il a dit sallallahu alayhi wa sallam? قاربوا وسددوا واعلموا انه لن ينجو احد منكم بعمله قالوا ولو انت يا رسول الله قال ولا انا قالوا ولا انت يا رسول الله قال ولا انا الا يتغمدني الله برحمه منه وفضله. Il a dit, approchez-vous de la perfection et soyez constants et sachez que personne ne sera sauvé que par ses actes seuls. Ils ont dit, même pas toi au messager d'Allah. Il a dit, même pas moi, sauf si Allah me couvre de sa miséricorde et de ses bienfaits. Donc, il convient de multiplier les invocations pendant la nuit d'Al Qadr, et avec plein d'humiliation et avec un cœur présent, car Allah n'accepte pas la dua d'un cœur absent et distrait. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى متفق عليه. Le dernier hadith du chapitre, le fait de voyager dans le but d'une adoration. Abu Sa'id al-Khudri رضي الله عنه rapporte que le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم a dit: on ne doit voyager vers trois mosquées, on ne doit voyager que vers trois mosquées. La mosquée sacrée de la Mecque, ma mosquée-ci et la mosquée Al-Aqsa, éloignée. Ce hadith est rapporté par le Bukhari et Muslim. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle du voyage religieux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un voyage dans lequel il y a une récompense et un voyage dans lequel on cherche à faire une adoration, sauf ces trois endroits-là. Par exemple, si quelqu'un veut faire l'i'tikaf. Pourquoi ici ce hadith il est cité dans le chapitre de l'i'tikaf? Car les gens ils vont faire l'i'tikaf où? Dans les mosquées. Certains pourraient se dire, ah tiens, je vais voyager à la grande mosquée d'Alger ou à la grande mosquée du Caire pour faire l'i'tikaf là-bas. Bon, par exemple. Et ceci est interdit. Car les trois seuls endroits où on peut voyager religieusement pour une adoration, ce sont ces trois mosquées-là. Par contre, quelqu'un qui va voyager en Égypte pour voir un pays musulman, voir ses frères, et sur le passage il va à la mosquée, ça il n'y a pas de mal. Mais il ne doit pas faire un voyage exprès en y attendant une récompense précise ou en croyant qu'il y a une valeur spécifique à aller voir une mosquée précise autre que ces trois mosquées citées. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il n'y a pas d'i'tikaf complet sauf dans ces trois mosquées. Et d'ailleurs, une prière dans le Masjid al-Haram équivaut à 100 000 prières dans toute autre mosquée. Une prière dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam équivaut à 1000 prières dans toute autre mosquée. Et une prière al Masjid al-Aqsa équivaut à 500 prières dans toute autre mosquée. Donc ceux qui, à plus forte raison, ceux qui voyagent pour aller voir les saints et les tombes, hein, ces gens-là, c'est le plus grand des péchés qu'ils font. Si en plus ils y vont pour faire du shirk, ils annulent leur islam. En ce qui concerne Al-Masjid al-Haram, Les savants ont divergé, est-ce que toutes les limites du haram, les limites sacrées de la Mecque, sont considérées comme masjid al-haram, à la même récompense, ou bien c'est spécifique aux limitations de la mosquée de Al-Ka'ba. Alors, il y a de longues discussions autour de cela, beaucoup d'avis et de preuves de l'un côté, d'un côté et de l'autre. Certains spécifient cela à la mosquée, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Masjidul Ka'ba ». Celui qui prie dans Masjidul Ka'ba a 100 000 prières. Et Masjidul Ka'ba, il désigne la mosquée de la Ka'ba. Et la mosquée, elle est délimitée par les murs qui l'entourent. Et même si, dans certains textes, Mecca est appelée Al-Ka'ba, comme dans le verset « Hadian Balir Al-Ka'ba », ça, c'est min babi tasmiyati shay'i bi juz'in minhu, ou bi ashrafi juz'in fi. C'est appeler une chose par une partie d'entre elles. Ça ne veut pas dire qu'elle prend le statut de cette mosquée. Et d'ailleurs, est-ce qu'il serait acceptable ou si quelqu'un voyageait, si on dit cela, donc on pourrait dire que c'est permis de voyager de la France pour aller à Masjid Ibn Baz ou à Masjid Faqihi dans Hudud al-Haram. Est-ce que c'est Masjid al-Ka'ba? Donc, Wallahu A'lam, les deux avis ont des arguments, mais il est sûr, tout le monde est d'accord pour dire qu'il y a beaucoup plus de valeur et de récompense à prier dans Masjid al-Ka'ba. Car le nombre de prieurs, il est plus proche de la Ka'ba, il prie dans le sein de la mosquée, il sort de la divergence entre les savants. Et puis, le fait que tout ce nombre de prières soient réunies donne, Inch'Allah, plus de hasanat et plus de valeur à la prière qui est faite en groupe. Et bien sûr, on parle surtout de la prière obligatoire. Surtout de la prière obligatoire. Car la prière surrogatoire, la meilleure prière surrogatoire est celle qu'on fait chez soi. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même qui avait dit qu'une prière dans sa mosquée équivaut à 1000 autres prières, il faisait pas ses prières surrogatoires à la mosquée. Il les faisait chez lui, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'il aura encore plus de valeur à les faire chez lui. Mais Inch'Allah, un voyageur qui vient de loin, on espère pour lui, il fait le maximum de salat dans le Masjid al-Haram ou dans le Masjid al-Nabawi, en espérant pour lui qu'Allah lui multiplie la valeur de ses prières. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wa sallillahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. سبحانك اللهم وبحمدك واشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والحمد لله رب العالمين